On va parler de course automobile. Il a terminé son année vendredi soir à Phoenix avec une excellente cinquième position. C'est Raphaël Lessard. En question de faire un peu le bilan de son année, on lui parle. Salut Raphaël. Ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Raphaël, content de ton année? Oui, quand même assez content. Regarde, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. J'ai donné mon 100% tous les jours, que ce soit dans le gym, au simulateur, à la piste, pour me préparer à étudier des vidéos. Et j'ai appris énormément. Regarde, c'est une année d'apprentissage pour moi. J'avais pas de pratique, pas de qualification. Fait que ça a rendu la tâche un petit peu plus dure pour apprendre les nouvelles pistes et tout ça. Mais regarde, j'ai fini. Je voulais avoir une progression, puis une victoire dans mon année recrue. J'ai eu une victoire, puis je voulais avoir m'améliorer tout au long de la saison. Puis j'ai commencé la saison. J'étais quand même assez rapide, mais on roulait comme on avait de la misère à tourner dans le top 10. Puis vers la mi-saison, là, on s'est amélioré, puis on s'est mis à tourner dans le top 10 beaucoup plus souvent. Puis là, vers la fin de la saison, on s'est mis à accumuler des top 5 et se battre pour des victoires. Fait que on est très content de ça. Et aussi, ben, à quelque part, ça a un lien probablement avec le fait que c'était ta première année. Est-ce que ça a un lien directement à ta première début de saison? T'avais même pas le droit à l'essai. C'était pas une année normale non plus, là. Non, c'était pas normal. Disons qu'avec tout ce qui se passe dans le monde de temps-ci, on n'avait pas le droit à pratiquer et à qualifier. Ouais. Fait que ça a comme nu à mon apprentissage un petit peu parce que je pouvais pas faire autant de tours que d'habitude puis prendre autant d'expérience rapidement. Mais regarde, j'ai fait avec. J'ai pris les outils, j'ai utilisé tous les outils que j'avais, posé des questions en masse, puis j'ai étudié le plus possible. Puis on a fait tous les efforts possibles. Puis regarde, je suis content de mon année. Je suis satisfait de la fin de la saison. On a fini avec des bons résultats. C'est ça l'important. Est-ce que le fait que les simulateurs t'ont aidé quand même? Au début de la saison, surtout que tu connaissais pas les pistes, ça a déjà aidé, hein? Oui, c'est sûr que ça l'aide. Je dirais que lui qui aide le plus, c'est le simulateur de TR2 parce qu'on divert toutes les semaines puis on pratique nos setups là-dessus, de suspension, côté suspension et tout ça. C'est tout là-dessus. J'apprends les pistes aussi. Puis c'est un simulateur qui a coûté des millions d'investissements. Fait que les Toyota ont vraiment investi beaucoup de temps là-dedans. Puis je pense que c'est le meilleur outil que j'avais cette année. Puis à toutes les semaines, j'y allais. Des fois, ça nous a nuit parce que des fois, c'est comme un guess aussi parce que faut que tu prennes des chances parce que des fois, tu sais pas exactement comment que la piste va être, dépendamment de la chaleur et tout ça. Fait que t'essaies d'ajuster le simulateur en conséquence pour comment que la température va être, la piste et tout ça, et les pneus. Mais des fois, ça arrivait pas comme on voulait. Et des fois, c'était parfait. Le simulateur, des fois, était exactement comme la vraie vie, presque exactement comme la vraie vie. Fait que ça l'aidait. C'est sûr que ça l'aidait. OK. T'as parlé du jeu vidéo hier au 91.9 aussi. Ça aussi, c'est bon? Oui, le jeu iRacing. Ça, pendant le confinement, qu'on pouvait pas sortir de la maison, puis j'avais pas accès au simulateur de TR2. Ça, je pense que c'est le meilleur jeu côté simulation de course automobile qui existe. C'est vraiment, vraiment réel. Puis on peut apprendre beaucoup de choses là-dedans, puis ça l'aide à garder notre esprit dans les courses, puis... Juste les mains, la coordination, les pieds, je pense que ça l'aide énormément. OK. Dis-moi, si on parlait de maintenant, de ton contrat, c'est maintenant ça qu'on va regarder, évidemment. T'es agent libre, qu'on pourrait dire. T'as pas de volant actuellement, c'est des contrats d'un an. Penses-tu n'avoir fait assez pour vraiment là avoir une bonne camionnette l'année prochaine? C'est sûr qu'on travaille très fort là-dessus. Regarde, on a des options. Je sais qu'on a des bonnes options qu'on regarde, mais tu sais, c'est un sport qui est très dur monétairement, fait qu'on travaille très fort avec nos partenaires, le groupe d'investisseurs, on travaille fort pour aller chercher des partenaires pour nous aider pour faire une saison complète en 2021 encore une fois, puis essayer d'aller pour le championnat, ça c'est ça le but. Mais gardons, on travaille fort. Cette année, j'avais la chance d'avoir Canac, Toyota, Mobile One, tout le monde qui me supportait ici, mes parents, puis tu sais, là, on travaille fort pour que ça continue l'année prochaine. Puis on tra c'est ça, on travaille très fort à présentement, puis on reste positif. OK. Là, ça va venir bientôt, hein? C'est ça, ça se règle bientôt les volants aussi, là. Ça se règle tôt, cette affaire-là. Non. Ouais, c'est sûr, le plus tôt possible, parce que je dirais que plus qu'on attend, puis plus ça prend du temps avant de décider puis tout finaliser. Disons qu'il y a des volants qui des bons volants qui s'en vont à tous les jours presque. Fait qu'on si on attend trop, il va en rester beaucoup moins, puis beaucoup moins d'options. Fait que là, on regarde pour essayer de finaliser ça le plus vite possible. C'est pour ça qu'on travaille d'arrache-pied présentement. Pour ça, il garde, Oui. on a hâte de voir qu'est-ce qu'on va avoir pour 2021 sur le Louis futur. Butcher disait dans le journal à fin de semaine que l'entourage de Raphaël Lessard n'était pas vraiment content de la manière que l'équipe de Kyle Busch préparait la camionnette. Est-ce vrai ça? Puis que tu regardais d'autres options. Ben, on regarde toutes les options. OK. Faut regarder toutes les options. Cabo, cette année, moi, j'ai eu une très bonne année. J'ai appris énormément avec eux. C'est une équipe qui est très professionnelle. Puis des fois, on a eu des petits problèmes, mais regarde, ça fait partie. Eux autres aussi, c'était très dur de leur Ouais. côté cette année parce que c'était un guess à tous les fois qu'ils allaient à la piste. C'était parce qu'ils savaient pas. Des fois, ils pouvaient faire un setup de suspension contre suspension qui pensait qu'il allait être bon. Mais vu qu'on n'a pas de pratique, on ne sait pas jusqu'à temps que la course commence. Ouais. Puis si on commence la course avec de quoi qui était moyen, qu'on pensait qu'il allait être bon, ben là, on n'a pas le choix de faire toute la course avec ça. Fait que c'était très dur pour les équipes aussi. Mais à part de ça, regarde, on a fini la saison ensemble, très, très, très Positif. performant quand même. Surtout la Puis deuxième moitié de c'est saison. ça. Mais il y a toujours des ajustements à avoir dans des équipes, peu importe, là. Puis moi, c'est pas comment tu commences, ce qui est important, c'est comment tu finis. Puis la deuxième moitié de saison, c'était fort, là. Si on inclut la deuxième moitié de saison, t'es combien au classement? Juste la deuxième moitié de saison, est-ce que tu sais? Je sais pas, mais d'après moi, avoir eu T'es dans le top 10 une facile, hein? deuxième moitié de saison, puis avoir eu la première moitié comme ça, je suis sûr qu'on aurait été dans les playoffs. Ouais. Mais ça fait partie de la game, ça fait partie de l'apprentissage. La première moitié de la saison, j'ai appris énormément. Des fois, c'était pas l'équipe qui faisait des erreurs, c'était moi aussi. Non, ouais. On perd puis on gagne en équipe. Moi, j'ai fait des erreurs de recrue que faut les faire pour apprendre. Puis, regarde, ça a fait une différence à deuxième moitié parce que je me suis amélioré énormément. Ouais, effectivement. T'as-tu parlé à Kyle Busch après la saison? Que ça dit quoi? Ouais, ben, Carbo, j'étais très content là, OK. de comment j'avais fini. Il me l'avait dit. Il dit, regarde, il dit, tu vas voir, ça va être dur au début, mais après ça va. On veut voir que tu progresses puis tu t'améliores. Puis je pense que Là-dessus, t'as il était réussi, très là. content de ça. Tu sais, lui, il a été très gentil avec moi cette année. Je pense qu'il voyait que je voulais apprendre, puis je voulais m'améliorer. Avant chaque course, il me parlait, puis il me donnait des conseils, puis il me disait comment que les pistes étaient. Puis regarde, je peux pas le remercier assez pour ça. Puis j'ai hâte de voir l'année prochaine. C'est sûr que notre but, c'est de revenir avec Carbush Motorsport. Ça serait notre première option, notre but, parce que je pense qu'on a bâti quelque chose qui était très bon tout au long de la saison, qui va juste s'améliorer. Mais on va voir qu'est-ce que le futur va apporter. OK. Dis-moi, est-ce que tu as des chances l'an prochain qu'on te voit en Infiniti, que tu sautes en Infiniti quelques courses? Ah, c'est sûr que si on a des partenaires pour ça, c'est sûr que ça serait vraiment vraiment Ouais. plaisant. Mais là, on se concentre pour avoir des Accès. partenaires pour la saison complète en camionnette. Puis si on a la chance d'avoir des extras puis pouvoir aller prendre plus d'expérience puis aller faire des courses expéditives, c'est sûr que je dirais oui. OK. En camionnette, je te dirais que c'est le deuxième circuit. C'est à peu près comme du 2A au baseball, la East Coast au hockey, et ainsi de suite. Mais est-ce qu'un coureur de la série Kruger est-il aussi bon qu'un coureur de la série Infiniti? Ben moi, je trouve que côté C'est. les deux, il y a des bons pilotes dans les deux. Mais Ouais, OK. des fois, je trouve qu'il y a beaucoup de vétérans dans la série des camionnettes. Puis il y a beaucoup plus de voitures ou de camionnettes qui peuvent gagner une course à chaque course. T'sais, quand on a regardé cette année les courses de camionnettes, souvent, il y en avait le top 15, c'était des très, très bonnes camionnettes qui étaient très rapides. Il fallait vraiment qu'ils soient au maximum pour rouler là-dedans. Puis en Xfinity, des fois, il y a moins de voitures très, très compétitives qui courent ensemble. Puis je pense que ça fait une différence. Mais regarde, dans toutes les séries, il y a des excellents pilotes. Regarde la série d'Xfinity, Chase Briscoe, Austin Cindric qui a gagné le championnat, Justin Allgaier, c'est un pilote qui a déjà été courir en Cup. Puis tu regardes en camionnette, ben il y a beaucoup de vétérans en camionnette qui ont toujours couru là-dedans puis qui sont restés, puis ils ont tellement d'expérience qui sont ouais, très ouais. durs à battre. Ouais, effectivement. Raphaël, félicitations pour ton année, ça fut fort agréable. Moi, te suivre, t'es vraiment une bouffée d'air frais quoi sur la course automobile. Puis lâche pas ton bon naturel, fait que ton beau naturel, ça fait ta personnalité. Donc, si tu deviens une vedette, j'aimerais ça que tu restes de même pareil. C'est bon, en tout cas, c'est sûr que je vais rester comme ça. Ben, merci beaucoup. Donc, Raphaël Lessard qui est courant en série Kruger cette année, a bien terminé l'année.